La petite Caroline Bouchard attend sa maman à l'accueil au rez-de-chaussée du magasin. Je répète, la petite Caroline Bouchard attend sa maman à l'accueil au rez-de-chaussée du magasin. Bonjour madame, je peux vous renseigner ? Oui, merci. Je cherche un appareil photo numérique. Alors, voyons, c'est pour vous ? Non, c'est un cadeau pour mon petit-fils qui a 13 ans. Et vous avez une marque préférée ? Non, pas vraiment. Mais lui, il avait un modèle qui lui plaît. Ah, très bien, lequel ? Celui tout à droite, le gris. Ah, il est parfait. Il est facile à utiliser et fait des photos magnifiques. Oui, mais il fait combien ? Ah, il est un peu cher, c'est vrai, mais c'est un excellent rapport qualité-prix. 1240 euros. Oh là là ! Oh oui, vous avez raison, il est un peu cher. Ne t'inquiète pas, mamie, je vais y faire attention. Ne vous faites pas de soucis, madame, il est très solide. Votre petit-fils pourra l'emporter partout. C'est un appareil qui ne craint pas les chocs. Il a une mémoire de combien ? Il a une carte de 4 mégaoctets. Mais c'est bien... Enfin, ça me paraît bien compliqué. Et les pellicules ? Elles sont chères ? Mais mamie, avec ce genre d'appareil, on n'a plus besoin de pellicules. Bon, écoute, c'est toi qui vas t'en servir, c'est pas moi, hein ? Bien, alors je vous le prends. Un cadeau, c'est un cadeau. Oh, merci mamie, tu es géniale. Vous payez comment ? Par carte. Très bien, bah, écoutez, vous pouvez aller régler à la caisse. Merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie, madame. Au revoir. Au revoir, jeune homme.